track is on the beat. Focus participe, focus participe, focus participe, focus participe, focus participe. Focus participe, c'est bientôt les vacances, mets les pieds de côté, faut développer d'avance, j'en ai marre du quartier, faut que je crame au soleil. Petite coupe dégradée, j'ai soigné mon apparence, je sirote un cocktail, jacuzzi dans l'hôtel, tu pourras me rappeler car j'ai coupé mon tel. Champagne à la bouteille, service rond mes moules pleines, attablé au resto pendant que t'as les couilles pleines. Casino et roulette, je veux pas gagner le jackpot, mais si je me refais, bah je refais chaque pote. Y'en a marre de la routine, il faut que la route tourne, aucun pote comme Poutine. Et coca pour tous, un petit tour en jet ski, un bronzage intégral. Du fond dans l'enceinte, c'est la sonde infernale. Sur la plage à papote, je n'ai pas le journal. Et je perds le nord, ouais, j'oublie ma tour. Dans le sud, je crame, et sous, c'est mon tour. J'exhibe mon norme, alias mon atout, pour profiter au max du séjour. Et je perds le nord, ouais, j'oublie ma tour. Dans le sud, je crame, et sous, c'est mon tour. J'exhibe mon norme, alias mon atout, pour profiter au max du séjour. Mentalité Guantanamo, on se fait péter par les poulets, frérot, je veux pas entendre un mot.